La neige qui tombe forme un écran plus ou moins opaque qui dissuade de rouler avec les feux de position seuls. Dans ces conditions météorologiques, on allume au minimum les feux de croisement pour être sûr d'être vu. Si cela devient nécessaire, c'est-à-dire si les flocons sont de plus en plus nombreux et forment un rideau blanc, je suis autorisé à allumer les feux de brouillard avant et arrière. Réponse B, C et D.